Carolomag numéro 286, mars 2025. 1. Sommaire. 2. Édito. 3. À la une, Friche, Charleville-Mézières gagne son pari. 4. Actualité. Nouveau supermarché à la ronde couture. La première pierre posée. Journée mondiale de la marionnette, Festival des marionnettes 2025, rejoignez l'équipe. Braderie de printemps, les 4 et 5 avril. Charleville-Mézières renforce l'attractivité de son centre-ville. Inscription scolaire. Un partenaire CAF-Ville au service des familles. Les restos scolaires montrent l'exemple. Viaduc de Montjoly, autour de l'autre voie. La maison du vélo, un lieu incontournable pour les cyclistes. CCAS, lutter contre l'endettement locatif. 5. Rendez-vous. Semaine nationale de la petite enfance. Journée internationale des droits des femmes, les enfants du cinéma, quoi de neuf docteur. 27e printemps des poètes. 100 ans de la Société des écrivains ardennais. La Halle, le nouveau lieu dédié au bois. Comte de Rethel, duc de Mazarin, prince de Monaco. Le printemps des étudiants, une parenthèse enchantée. 6. Agenda. 7. Sport. 50e édition du circuit des Ardennes. Patinage artistique, championnat de France novice. L'année des spectacles à la Guinguette Arena. Sur les traces du Centaure. Agenda sportif. 8. Histoire. La rue de Mantoue, témoin de l'évolution de la ville. 9. Expression politique. 2. L'édito de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Objectif zéro friche. Il faut habituellement pas mal de temps pour modifier notre perception face à une situation donnée. Exemple avec la Meuse, en dépit des lourds travaux qui nous protègent aujourd'hui de ces crues, et même si les voies vertes aménagées sur ces berges font le bonheur des promeneurs, nous regardons encore et toujours notre fleuve avec une certaine suspicion. Chat échaudé craint l'eau froide. Il en est de même avec nos friches. Chacune d'elles demeure douloureuse, formant un pan de notre mémoire collective qui nous rappelle telle ou telle activité aujourd'hui disparue, qu'elle soit de nature commerciale, industrielle, hospitalière ou autre. Nous les percevons donc logiquement comme des plaies plus ou moins bien cicatrisées. Pourtant, ces mêmes friches nous permettent aujourd'hui de mener à bien des projets qui rendent notre ville plus active, plus belle et donc plus attrayante. Et compte tenu du fait qu'elles se trouvent toutes situées au cœur de notre cité, dans des secteurs totalement urbanisés, ce regain d'activité s'effectue sans consommer le moindre mètre carré de nature vierge ou de parcelle agricole. Cette reconquête systématique se traduit souvent de manière spectaculaire. Pour rappel, la future ex-friche de ville en bord de Meuse, face au pont de Montcy, abritera à terme près de 1000 emplois. Quant à la Massérienne, elle est destinée à devenir un pôle d'attractivité qui rayonnera bien au-delà des frontières ardennaises. En forçant un peu le trait, on pourrait presque regretter de voir le nombre de friches carolo-massériennes se réduire à vue d'œil, tant chacune d'elles nous a fourni une belle opportunité de développement raisonnable et raisonné. Mais dans un an, donc à l'issue du présent mandat municipal, l'objectif zéro friche aura été atteint. 3. À la une. Urbanisme, friche, Charleville-Mézières gagne son pari. La liste est impressionnante. Depuis 2014 et l'arrivée d'une nouvelle équipe à la mairie, une bonne vingtaine de friches ont disparu ou vont bientôt disparaître du paysage carolo-massérien. À leur place, des activités nouvelles, synonymes de création d'emplois et ou de logements. Les friches, espèces en voie de disparition ? À l'échelle de Charleville-Mézières, cette affirmation n'a rien d'exagéré. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil attentif sur la longue liste de ces terrains occupés autrefois par des bâtiments et leurs annexes aujourd'hui à l'abandon, pour reprendre la définition du dictionnaire. Et force est de reconnaître que, vu leur nombre, les friches urbaines ont longtemps constitué une sorte de spécialité locale, chacun ayant plus ou moins pris l'habitude de côtoyer quotidiennement et sans s'émouvoir ces cicatrices béantes défigurant notre belle ville. Elles possèdent toutes leur propre histoire. Leurs caractéristiques sont bien souvent porteuses de souvenirs remontant à une époque révolue, donc forcément plus riantes dans notre mémoire collective. Mais elles présentent au moins un point commun. Ces friches sont, ou pour nombre d'entre elles étaient, situées en plein cœur de notre ville. ce qui leur donne un intérêt tout particulier. Jusqu'à un récent passé, en effet, les collectivités n'hésitaient que rarement, pour s'étendre, à consommer des terres vierges ou agricoles. Mais en 2021, la loi Climat et Résilience a fixé un objectif clair à l'horizon 2050, celui du zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, les friches sont mieux considérées en termes d'opportunités foncières, expliquait récemment Laurent Château, coordinateur de l'action Friche à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME, à une journaliste des Échos. Avant, si une ville voulait se développer, elle pouvait pousser les murs et consommer des espaces en périphérie. Cette loi a mis un frein à ce principe. Désormais, plutôt que de consommer de nouveaux espaces, on s'intéresse à l'existant. Une politique que notre ville poursuit avec succès depuis une dizaine d'années, donc bien avant la promulgation de la loi de 2021. Et cette volonté de reconstruire la ville sur la ville s'est déjà traduite par de remarquables succès, qu'ils soient l'œuvre des collectivités locales ou d'investisseurs privés attirés par le renouveau de Charleville-Mézières. Sachant que dans un proche avenir, avec notamment la reconquête définitive des friches Deville et de la Masserienne, cette volonté de créer de l'activité sans artificialiser d'actuels espaces naturels aura permis de marquer des points décisifs dans la nouvelle spécialité locale, la chasse aux friches. Voici la liste des projets déjà réalisés. Magasin Troussel. En 2017, le superbe bâtiment Art déco situé au 16 de l'avenue Jean Jaurès, édifié en 1930 pour abriter les grands magasins Troussel, enseigne de prêt-à-porter aujourd'hui disparue, est livré à ses futurs utilisateurs, les élèves de l'École nationale supérieure des arts de la Marionnette. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, fait le déplacement pour l'inauguration des lieux totalement transformés, sauf l'emblématique façade, grâce à un investissement de plus de 10 millions d'euros partagé par l'État et les collectivités locales. Collège Rimbaud. À la fin du siècle dernier, élèves et enseignants du Collège Rimbaud déménagent et rejoignent leurs locaux actuels, quai Charcot, laissant derrière eux, face à la MCL Mabohème, un ensemble de bâtiments désaffectés, dont un ancien couvent dans lequel notre poète a poursuivi ses études. Après de longues années d'incertitude, le projet d'un investisseur est validé par la ville, propriétaire des lieux. Il y crée 20 logements, le rez-de-chaussée abritant des locaux médicaux. Cinéma Les Clubs. Le 21 janvier 2004, sur le haut du cours Briand, à deux pas de la statue de Charles de Gonzague, le cinéma Les Clubs fermait définitivement ses portes. 15 ans après, une résidence de standing a enfin réoccupé cet espace situé en plein cœur de Charleville, offrant une trentaine de logements du T1 au T4. Aile droite de la gare. Au siècle dernier, l'aile droite de la gare a abrité le traditionnel buffet et même un hôtel situé dans les étages. Mais ce bâtiment de belle facture était inoccupé depuis un incendie survenu en juillet 90. Pour un coût de 2,5 millions engagé par Ardennes Métropole, sa rénovation totale a permis d'y aménager plus de 1000 m² de bureaux répartis sur 4 niveaux. Halo Vêtements. Coup dur pour le commerce du centre-ville, en novembre 2015 avec la fermeture de la Halo Vêtements. 4 ans après, grâce à une collaboration réussie entre la ville et des investisseurs privés, cette verrue disparaît. Elle est en outre désormais desservie par le parking Gonzague, l'un des plus fréquentés de la ville. Usine Grandrie. L'ancienne fonderie Grandrie, rue Jules Laubé, dans le quartier des Granges Moulues, créée en 1954, a cessé toute activité en 2003. Cette vaste friche, 3,5 hectares, soit 3 fois la place ducale, a été rachetée en 2014 par Espace Habitat, dans le but de la transformer en un véritable quartier comprenant près de 130 logements. Le même bailleur social en a fait de même rue Moreau, près du parking Clément, avec de nouveaux logements semi-individuels, dotés de parkings privatifs construits en lieu et place d'anciens hangars. École normale. L'imposante école normale pour jeunes filles, construite en 1843, surplombant la Meuse et le mont Olympe, a accueilli ses derniers élèves au début des années 2000. 2 décennies plus tard, elle s'apprête à recevoir dès cette année d'autres occupants, des seniors locataires de la résidence de près de 110 appartements aménagés en respectant cette superbe construction. Caserne Boutet. La ville a vendu en 2015 ses anciennes casernes situées à l'angle de l'avenue Boutet et de la rue de Gonzague à un investisseur privé qui a transformé ses austères constructions en appartements de standing de 45 à 100 m². Les projets en cours de réalisation. Hôpital Corvisart. Les friches peuvent également être hospitalières. C'est le cas ici, avec cet ancien hôpital désaffecté depuis 2010. Après une longue attente, cette friche a disparu à son tour du paysage carolo-massérien, cédant la place à une centaine de logements, dont la moitié dans l'ancien et superbe hôtel-dieu, logiquement préservé. Dans la foulée, la ville a procédé au prolongement de la rue de l'Hôpital et des dépendances hospitalières situées aux 12 rues d'Aubilly, dans un bâtiment du XVIIe siècle, finissent actuellement d'être transformées en une quinzaine d'appartements. Manestampes. L'ancienne usine métallurgique Manestampes, au 36 de la rue de l'Abattoir, est abandonnée depuis 1983. Mais ces lieux vont revivre. Suite à un appel à projet lancé par la ville, un repreneur a en effet été choisi. Ce dernier va y aménager un complexe comprenant des terrains de paddle couverts, une maison de santé et une salle de réception. EHPAD Quai Charcot. De maison de retraite à maison des internes. C'est la trajectoire originale qu'est en train de suivre cet ancien EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, situé Quai Charcot, près de la place Jacques-Félix, inoccupée depuis 2015. Des travaux sont en cours pour y aménager, avec l'aide de la région Grand Est, une cinquantaine d'appartements destinés à héberger les internes en médecine fréquentant les hôpitaux locaux. Ouverture prévue dans un an. Ancien CCAS. Depuis l'été 2021, le CCAS a emménagé dans de nouveaux locaux, situés à l'arrière de l'hôtel de ville de Mézières. Cela fera donc bientôt 4 ans que l'ancien CCAS, situé rue Bayard, ne connaît plus aucune activité. Cette bâtisse, au cachet indéniable, a tapé dans l'œil d'un investisseur qui souhaite la transformer en une résidence comprenant 25 appartements. Le permis de construire a été déposé et accordé. Deville. C'est en 2016 que la société Deville cesse la production d'inserts et de poêles à bois sur son site de l'avenue Forest en bord de Meuse. Il aura fallu attendre près de 10 ans et l'abandon d'un certain nombre de projets pour voir le groupe Hermès s'intéresser à cette friche idéalement placée à quelques minutes à pied de la place du Cal. Avec l'aide de l'établissement public foncier Grand Est, les travaux ont débuté depuis plusieurs mois dans le but d'ouvrir à cet endroit, en 2027, une maroquinerie, la troisième du groupe Hermès dans les Ardennes. Une reconquête qui se traduira par la création de près de 300 emplois. Rotonde de Mohaut. Inscrite aux monuments historiques, les superbes rotondes ferroviaires de Mont, immenses soucoupes de verre et d'acier, ont été érigées au tout début du XXe siècle et utilisées pendant près de 80 ans. Elles s'apprêtent aujourd'hui à retrouver vie. La SNCF, propriétaire des lieux, doit signer un compromis de vente avec un industriel amateur de bâtisses historiques. Il compte fabriquer sur place des wagons spéciaux pour charges lourdes. Massérienne. Peut-être la friche la plus emblématique de la ville, tout en raison de son emplacement en plein cœur de Mézières que de l'ambitieux projet qui la concerne, porté par la ville et ses partenaires, à commencer par l'équipe du Cabaret Vert et celle des Amis de la Massérienne. Le projet en question, tout en respectant ce patrimoine classé aux monuments historiques, vise à transformer cette ancienne usine en un pôle d'attraction accueillant activités économiques, culturelles ou touristiques. Livraison prévue en 2028. Lidl de la Ronde Couture. Les premiers coups de pioche y ont résonné fin janvier, et ils ont fait la joie de nombreux habitants de la Ronde Couture. La friche laissée au cœur du quartier par Lidl lors de son départ au printemps 2018 va être réoccupée. C'est la société Netto qui va y prendre place en aménageant un nouveau supermarché dont l'ouverture est prévue dès cet été. Actualité. Commerce, nouveau supermarché à la Ronde Couture, la première pierre posée. Protéam, la ville de Charleville-Mézières et Ardennes Métropole ont officiellement lancé ce jeudi 23 janvier 2025 le chantier du futur magasin Netto en posant la première pierre place Beauchard au cœur du quartier de la Ronde Couture. Ce supermarché, attendu depuis la fermeture de l'ancien Lidl en 2018, s'inscrit dans une dynamique de revitalisation commerciale et sociale de ce secteur en pleine restructuration. Ce projet d'envergure d'un coût total de 1,76 million d'euros mobilise la ville de Charleville-Mézières, Ardennes Métropole et la société publique locale Mercure. Il bénéficie également du soutien de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a contribué à son financement avec une subvention de 660 000 euros. En réponse à l'important besoin d'accès au commerce de proximité, cette réalisation vise à réduire les inégalités territoriales en offrant un service essentiel aux habitants du quartier. La fermeture de l'ancien supermarché avait laissé un vide préjudiciable dans la vie quotidienne des résidents, notamment des personnes âgées ou à mobilité réduite. Le futur Netto représente bien plus qu'un simple lieu de consommation. Il répond à des enjeux sociaux et urbains majeurs. Son implantation contribue à lutter contre la désertification commerciale, tout en renforçant l'attractivité et la convivialité de la ronde couture. Ce projet incarne une volonté affirmée de placer les quartiers prioritaires de Charleville-Mézières au centre des politiques publiques, en agissant directement sur le cadre de vie et les besoins des habitants. Pour les résidents de la ronde couture, ce supermarché est perçu comme un véritable soulagement et une amélioration du quotidien. Le retour d'un magasin à deux pas de chez eux marque donc une avancée dans la réhabilitation de la place Beauchard et de son environnement. Avec ce chantier désormais lancé, la ville de Charleville-Mézières et ses partenaires démontrent une fois encore leur engagement en faveur d'une ville inclusive, dynamique et tournée vers l'avenir. Marionnettes, Festival des marionnettes 2025, rejoignez l'équipe. La 23e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes aura lieu du 19 au 28 septembre et il est temps de former les équipes. Héberger les artistes, les accueillir, guider le public, servir au bar ou à la boutique, vendre des tickets à la billetterie, assurer les transports, participer à l'aventure en tant que bénévole et ou hébergeur. Au printemps, afin de renforcer et constituer les équipes, des soirées conviviales sont organisées. Que vous soyez déjà bénévole ou que vous ayez envie de rejoindre l'équipe, venez échanger sur l'expérience festival. Les organisateurs se tiennent à votre disposition au 03 24 59 94 94 par courriel à bénévole@marionnettes.com ou directement via le formulaire sur le site www.marionnettes.com, rubrique Festival, FMTM, Bénévolat. À l'occasion de la Journée mondiale de la marionnette, l'Union internationale de la marionnette, ou UNIMA, proposera du 19 au 27 mars de nombreuses activités gratuites aux familles. Lancée en 2003 par l'UNIMA, la Journée mondiale de la marionnette, célébrée dans le monde le 21 mars, promeut les arts de la marionnette tout en fédérant les acteurs de la marionnette. Pour cette édition 2025, la Journée mondiale de la marionnette réunira une trentaine de partenaires autour d'un programme riche d'activités variées pour tous les publics. Ateliers, projections, expositions, spectacles, portes ouvertes et cette année une action spéciale autour des ateliers d'artistes. Retrouvez le programme complet sur www.unima.org. Et pour plus d'informations, contact@unima.org. Événement Braderie de printemps les 4 et 5 avril. La braderie qui anime chaque printemps le Courbriant et les rues piétonnes revient le vendredi 4 et le samedi 5 avril. La journée du vendredi sera dédiée aux commerçants sédentaires qui casseront les prix sur de nombreux articles devant et dans leurs boutiques. Le lendemain, camelots et commerçants non sédentaires installeront leurs étals pour vous proposer de bonnes affaires et des articles à tout petit prix. Commerce, Charleville-Mézières renforce l'attractivité de son centre-ville. La rue de Mantoue fait peau neuve avec des aménagements modernisés, un espace piétonnier élargi et une intégration harmonieuse à la place Ducal. Une invitation à redécouvrir les commerces Carolo dans un cadre embelli et dynamique. Rue emblématique du centre-ville, la rue de Mantoue a fait peau neuve en 2024. Ce chantier d'envergure a permis de moderniser les réseaux, gaz, chauffage urbain, tout en revalorisant l'esthétique de cette artère stratégique. Son aménagement a été repensé pour s'intégrer harmonieusement à la place Ducal, avec un nouvel espace piétonnier agrandi, une végétalisation renforcée et l'installation de bornes rétractables pour gérer la piétonnisation. Ce projet s'inscrit dans une volonté de redonner toute sa splendeur au centre-ville en offrant un cadre de vie plus agréable aux habitants, promeneurs et commerçants. Dans cette dynamique, la rue du Petit Bois sera elle aussi réaménagée, poursuivant l'objectif d'un centre plus agréable et sécurisé. La piétonnisation améliore la qualité de vie, réduit la pollution et soutient le commerce local en attirant plus de visiteurs. Avec la fin des travaux, le centre-ville retrouve toute son attractivité. Un cadre embelli, un accès facilité et une offre commerciale riche, Charleville-Mézières affirme son engagement pour un centre-ville toujours plus dynamique et attractif. Piétonnisation saisonnière de la place Ducale, avril à fin mai, piétonnisation les week-ends, du vendredi 18h au lundi 6h, avec des extensions dès le vendredi midi lors de manifestations. De juin à fin septembre, piétonnisation 7 jours sur 7. D'octobre à fin décembre, la piétonnisation sera suspendue, sauf durant le marché de Noël. Social, un partenariat CAF-Ville au service des familles. Petite enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, inclusion numérique. Handicap, logement, animation de la vie sociale, c'est un partenariat ambitieux que la ville et la CAF des Ardennes ont récemment noué en signant une convention territoriale globale. Ce document, qui les engage jusqu'au 31 décembre 2027, se présente comme une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles. Pour ce faire, de nombreuses actions concrètes sont prévues. Parmi elles, l'augmentation du nombre d'assistantes maternelles, la création d'un espace parent, l'accroissement du nombre d'enfants en difficulté scolaire bénéficiant de dispositifs de soutien, la promotion du dispositif 1000 premiers jours, le développement d'actions adaptées aux familles monoparentales, la création d'un réseau de professionnels sur l'accès aux droits des usagers, la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, la poursuite d'aménagements favorisant le déplacement des personnes en situation de handicap ou la promotion d'activités sportives adaptées à ces dernières. Biodéchets, les restos scolaires montrent l'exemple. La ville de Charleville-Mézières gère en direct 18 restaurants scolaires ainsi que 2 centres de loisirs, ce qui représente en moyenne plus de 1500 repas servis chaque jour ouvrables aux élèves. Et également de manière inévitable, une quantité non négligeable de déchets alimentaires, soit près de 150 kg par jour. Déchets qui finissaient jusqu'alors dans le bac des ordures ménagères. Mais ça, c'était avant. Après un test concluant mené l'an dernier à l'école de la Citadelle, qui dénombre 247 élèves, la collecte de ces biodéchets est désormais devenue la norme dans toutes les cantines carolo-massériennes. Concrètement, chaque point de restauration a été équipé à cet effet de conteneurs de 120 ou 240 litres, en fonction du nombre habituel d'utilisateurs. Chaque semaine, ces bacs sont collectés par la société Arcavi, qui valorise dans un second temps ces déchets utilisés pour produire du méthane avant d'être transformés en engrais naturels. Inscription scolaire. La campagne d'inscription pour la rentrée scolaire 2025-2026 se déroulera jusqu'au 30 mai 2025. Pour inscrire votre enfant, téléchargez la fiche d'inscription, voire la demande de dérogation le cas échéant, sur notre site internet à l'adresse www.charleville-mézières.fr ou appelez le service enseignement pour prendre rendez-vous. Pour rappel, l'inscription n'est pas à renouveler tous les ans. Elle ne concerne que les premières inscriptions, le passage au CP hors groupe scolaire et les enfants nouvellement arrivés sur Charleville-Mézières. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 32 42 83 ou envoyez un mail à l'adresse inscriptionscolaire@mairie-charleville-mézières.fr. Travaux. Viaduc de Montjoly, autour de l'autre voie. Dès le lundi 7 avril, des travaux seront entrepris sur le viaduc de Montjoly, entre l'entrée de la voie rapide avenue de Gaulle et la sortie Manchester. Les travaux de réfection des joints de dilatation du viaduc débuteront le 7 avril et dureront 4 semaines. Ils permettront de renforcer la sécurité des automobilistes et d'assurer la pérennité de l'ouvrage en absorbant mieux les mouvements. Après une première intervention en 2024 dans le sens Sedan vers Charleville-Mézières, cette seconde phase consistera à rénover les joints de dilatation de la voie opposée. Comme la première fois, la circulation sera maintenue sur une seule voie pendant les travaux. N'hésitez pas à privilégier des itinéraires alternatifs pour un trajet plus fluide. Ces efforts communs contribueront à un avenir plus serein sur nos routes. Nouveauté, la Maison du Vélo, un lieu incontournable pour les cyclistes. Vous n'avez jamais franchi le seuil de la Maison du Vélo ? Quelle chance ! Vous avez tout à y découvrir. Depuis juin 2024, cette coquette maison située au numéro 1 de la promenade de Dulmen héberge les activités de l'association Ma Ville à Vélo 08 qui a pu y fêter ses 10 ans en septembre dernier. Envie de chouchouter votre biclou ? Un atelier mécanique participatif est proposé les mercredis de 9h30 à 17h et les samedis matins de 9h30 à midi. Sur place, vous trouverez tous les outils nécessaires, mais aussi les conseils avertis de bénévoles passionnés et de mécaniciens aguerris qui vous guideront dans vos réparations. Pourquoi ne pas aussi participer aux apéros démontage ? Un moment convivial en perspective qui vous donnera l'opportunité d'apprivoiser les outils tout en alimentant la réserve de pièces d'occasion. Une des raisons d'être de l'association, celle de la promotion du réemploi. Prochaine date, le 18 mars et le 15 avril, de 17h30 à 19h. Vous trouverez aussi à la Maison du Vélo bien d'autres activités, ainsi que de la documentation, des vélos d'occasion, des conseils et du prêt de matériel aux adhérents. En bref, tout ce qui peut vous rendre le vélo facile et joyeux. N'hésitez pas à pousser la porte de la maison et à suivre les actus de l'association sur le site mavillavelo08.fr et sur Instagram @mavillavelo08. CCAS, lutter contre l'endettement locatif. Pour accompagner les usagers en difficulté financière, le CCAS va signer une convention avec Habitat 08 et Espace Habitat afin de mieux coordonner leurs interventions et agir en amont pour limiter les risques de dégradation des situations. Depuis plusieurs années, ces deux bailleurs sociaux implantés à Charleville-Mézières sont partenaires du CCAS. Face à l'augmentation du nombre de locataires en grande difficulté, due notamment à la hausse des coûts de l'énergie et aux régularisations de charges, les trois acteurs locaux ont élaboré une stratégie commune de prévention et de lutte contre l'endettement locatif. Cette démarche, qui renforce également les liens entre ces organismes, va se concrétiser pour le CCAS par une convention avec chacun des bailleurs sociaux détaillant les modalités d'intervention conjointe. Elle repose sur deux axes principaux, une meilleure coordination des actions en faveur des locataires et le développement de dispositifs de prévention. L'un des objectifs majeurs est d'identifier au plus tôt les locataires en difficulté afin de leur proposer un accompagnement adapté, voire un relogement si nécessaire. De nouveaux dispositifs délégués au CCAS viennent compléter les solutions déjà existantes et l'offre d'accompagnement, comme un soutien dans le règlement des factures ou dans l'accès à un logement adapté. En 2025, des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes seront organisés au CCAS et dans des bas d'immeubles mis à disposition par Habitat 08 ou Espace Habitat pour aider les habitants à mieux maîtriser leur consommation d'énergie, d'eau et ainsi limiter la hausse des factures. Expérimenté en 2024, en partenariat avec l'Armée du Salut, EDF et avec le soutien financier du Conseil départemental, ces ateliers ont déjà été proposés à des mineurs non accompagnés, MNA, sur la ronde couture. Très bien accueillis, ces sessions ont donné lieu à des réalisations variées, bandes dessinées, vidéos sur les réseaux sociaux, interviews, par les participants eux-mêmes, destinées à des jeunes de leur âge. Les jeunes ont également partagé leur expérience lors de la journée « Bouger, s'installer » organisée en septembre par la mission locale. L'efficacité de cette action pourra également être évaluée, notamment à travers le montant de la facture de régularisation de charges 2024. 5. Rendez-vous. Semaine nationale de la petite enfance. À Charleville-Mézières, les événements organisés dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance, du 15 au 22 mars, s'adresseront aux enfants, parents et professionnels autour de propositions pédagogiques et inclusives. Les 1000 premiers jours d'un enfant constituent une période primordiale pour son développement futur. Créer un univers favorable est essentiel pour sa construction psychique, affective, cognitive et sociale. C'est l'objectif du dispositif 1000 premiers jours mis en place à Charleville-Mézières depuis 3 ans. Lors de cette semaine de la petite enfance, la ville propose des actions gratuites pour que les bébés, les jeunes enfants et leurs parents créent des liens d'attachement et multiplient les occasions d'interaction. Ces animations s'adressent aussi aux parents et futurs parents afin de les éclairer sur les enjeux fondamentaux liés à cette période de la vie et à les encourager dans leur rôle. À l'occasion de la semaine de la petite enfance, Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice de l'association Ensemble pour la petite enfance, animera une conférence « Comprendre le cerveau du jeune enfant pour mieux l'accompagner » autour de l'éducation bienveillante et des neurosciences, le jeudi 20 mars à 18h à la MCL Mabohème. Destinée aussi bien aux parents, futurs parents qu'aux professionnels, cette conférence se veut avant tout interactive et participative, inscription obligatoire. Elle sera suivie d'une séance de dédicace de son livre « Là où tout commence, les 1000 premiers jours » qu'elle a coécrit avec Boris Cyrulnik, Isabelle Filioza et Antoine Guédenet. Autre salle, autre ambiance, avec le spectacle musical et chorégraphique 3PM, 3 petits moments, qui sera proposé aux enfants de 6 mois à 3 ans et leurs parents les 14 et 15 mars à l'hôtel de ville de Mézières. Les corps en mouvement, les regards, les sonorités, les textures, les matières convoquent les sens et invitent les enfants à une mise en jeu interactive. Tenue confortable exigée, place limitée, réservation obligatoire. Autour de ces événements phares, de nombreux ateliers seront organisés gratuitement en différents lieux de la ville autour de la thématique nationale « Encore jouer à l'infini ». Un programme riche proposé par le dispositif 1000 premiers jours et ses partenaires, le Centre social et culturel d'Hôtel, le dispositif Handicap et l'association Parentage et compagnie, le SARC et le réseau des médiathèques. Diversifiées et surtout inclusives, ces animations permettront à l'enfant, dans son imaginaire et à son rythme, de découvrir son monde et de se projeter dans la relation avec les autres. Découvrez le programme complet sur notre site internet www.charleville-mézières.fr et réservez l'aventure que vous voulez vivre. Plus d'infos à l'adresse mail 1000 écrit en chiffres pj @mairie-charleville-mézières.fr. Téléphone 03 24 32 41 71. Journée internationale des droits des femmes, un programme riche et engagé. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville et ses nombreux partenaires vous proposent un programme varié d'animations et de rencontres. Connaissez-vous Théroigne de Méricourt? Fervente activiste de la Révolution française, elle incarne le courage et l'engagement féministe. Son histoire sera mise en lumière à travers le spectacle musical « La révolutionnaire oubliée », joué gratuitement le 7 mars au Forum. Tout au long du mois de mars, les femmes et les sujets qui les concernent seront à l'honneur. Théâtre, conférences, lectures, projections et spectacles de marionnettes rimeront la programmation au théâtre et à la médiathèque Voyelle. Ne manquez pas également l'exposition « Carolo Massérienne un jour, Ardennaise toujours », sur le mur de l'esplanade Roger Masse, qui met en lumière des figures féminines marquantes des Ardennes. Le samedi 8 mars après-midi, l'événement « Un temps pour elle » investit la salle du bois Crancé pour une parenthèse bien-être et sportive, offerte par le service des sports. Enfin, de nombreux partenaires associatifs, associations, CIDFF des Ardennes en partenariat avec Terre Ardennaise, Maison du Campus, MCL Mabohème, proposeront des expositions, conférences, projections et stands de sensibilisation en différents lieux de la ville. Le programme est disponible sur le site internet www.charleville-mézières.fr. Les enfants du cinéma, quoi de neuf, docteur? Du 22 mars au 4 avril, 26 films sont programmés à l'occasion du festival Les Enfants du Cinéma. Cette 33e édition promet d'être éclectique, tout en restant centrée sur ce qui fait son ADN, montrer l'enfance et l'adolescence au cinéma. Côté invités sont d'ores et déjà annoncés Julien Ménanteau, réalisateur du film Lads, et parrain de cette édition. Deux acteurs prêtant leur voix au film d'animation Sauvage, la scénariste de La Vie en gros, ou encore la réalisatrice de « Roquette et les mal-aimés ». Côté événements, le festival vous promet de belles soirées à thème. Latino autour du film « Hiro de Sicario » en compagnie d'Emmanuel Lavagueres. Italienne avec le film « Prima la vita » en partenariat avec l'association Figli del Gonzaga. Ou encore spécial court-métrage avec la pellicule « Ensorcelée ». Un traditionnel ciné-goûté sera proposé aux plus petits, tandis que l'événement MD1 sera dédié au manga. Côté jury, comme chaque année, les adultes pourront voter pour leur tiercé gagnant, tandis que les jeunes et les écoliers détermineront leur coup de cœur. À la clé, des séances supplémentaires programmées pour les films coup de cœur. Plus d'infos sur le site internet lesenfantsducinema.fr. 27e Printemps des Poètes. Du 14 au 31 mars, le Printemps des Poètes est de retour autour du thème « La poésie volcanique ». Pendant 2 semaines, la poésie est à l'honneur dans la ville grâce aux différents partenaires culturels qui vous proposent une programmation éclectique. Pour débuter cette quinzaine poétique, le musée Arthur Rimbaud vous propose d'entrer dans le vif du sujet grâce à un atelier d'écriture volcanique animé par Sacha Thomas, vice-président de l'Association internationale des Amis de Rimbaud. À l'honneur de la nouvelle présentation au musée Arthur Rimbaud, l'artiste Joël Lick réalisera quant à lui une performance artistique, une création en direct d'un Leporello, livre accordéon de 7 mètres de long, le samedi 22 mars. Cette journée sera aussi marquée par l'ouverture à la Maison des Ailleurs de l'exposition « Rencontres, comme la peinture, la poésie », organisée conjointement avec les médiathèques d'Ardennes Métropole. Rendant hommage au travail exemplaire des éditions Rencontres, cette exposition mettra l'accent sur la peinture et les œuvres sur papier des artistes présents dans les ouvrages des éditions Rencontres. Puis la musique sera au rendez-vous à la médiathèque Voyelle grâce au récital « Par défi et plaisir » proposé par André Velter, voix, et Gaspard Klaus, violoncelle. La vie volcanique du poète sera aussi évoquée à travers une conférence de Luc Loiseau faisant le récit de la vie d'Arthur de 1872 à 1875, illustrée par des images créées à l'aide de l'intelligence artificielle, et la présentation du recueil Rimbaud-Verlaine, une affaire insolite, par Françoise Vénène. Juge au tribunal de première instance de Liège, Belgique, vous plongerez avec lui dans le dossier judiciaire dit de Bruxelles, grâce à son analyse juridique fondée sur son expérience d'avocat et de magistrat. Enfin, le musée Arthur Rimbaud vous invite à la fin de ce temps poétique volcanique à ralentir avec Gaël Piton et redécouvrir l'univers du poète autrement grâce à la slow visite. De nombreuses autres animations viendront émailler ces 15 jours poétiques. À la MCL Ma Bohème, Jean-Pierre Danne poursuit sa présentation du recueil d'Arthur Rimbaud, Les Cahiers de Douai, à travers Il était doué. Le TCM vous invite à une immersion artistique et poétique avec Nous ne sommes pas des animaux, la compagnie Bourrasque vous plonge dans les mystères des textes poétiques de Fernando Pessoa, Arthur Rimbaud et Jean Rictus. Enfin, le dispositif Charleville Lecture propose un projet d'écriture collective animé par l'autrice Myriam Bandif-Silla au Centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle. Le programme complet est disponible dans les différentes structures culturelles, dans les accueils mairies et sur les sites internet www.museear.fr ou www.charleville-mézières.fr. Téléphone 03 24 32 44 65. La Société des écrivains ardennais a 100 ans. Fondée en 1925, la Société des écrivains ardennais, SEA, fête son 100e anniversaire cette année. À cette occasion, découvrez l'exposition « 100 ans de mots » qui sera dévoilée samedi 29 mars à la librairie à livre ouvert. Samedi 5 et 12 avril, rendez-vous au musée de l'Ardenne pour évoquer les auteurs ayant marqué la SEA. Enfin, vendredi 25 avril, les oiseaux de fer, représentation théâtrale inspirée de la pièce radiophonique d'André Dautel, sera jouée à la médiathèque Voyelle. Joyeux anniversaire, la SEA! Cabaret vert, la halle, le nouveau lieu dédié au bois. Dans le cadre du projet de réhabilitation de l'ancienne usine de la Masserienne, le festival Cabaret vert ouvre ce mois-ci la halle, atelier partagé dédié au travail du bois. Doublement labellisée Manufacture de proximité et Définov, et située au cœur du site du festival, la halle propose un lieu convivial de 1500 m², ouvert aux amateurs comme aux professionnels, et équipé en machines et outils spécialisés. Ces ateliers ont pour ambition de proposer une offre centrée sur le travail du bois, de la conception à la finition pour concevoir, découper, usiner, assembler, peindre, vernir et stocker. La halle s'adresse à tout type de public avec location des espaces et des outils aux professionnels ou amateurs aguerris, apprentissage du travail du bois via des workshops pour le grand public, formation professionnelle assurée par le BTP CFA Ardennes et autres organismes habilités. Des portes ouvertes auront lieu le samedi 8 mars de 14h à 18h, au 8 et 10 avenue Louis Tirman. L'équipe vous y accueillera pour vous présenter les différents espaces de travail, les équipements mis à disposition et les différentes formules d'accès proposées. Plus d'infos sur le site lahalle.cabaretvert.com. Exposition. Comte de Rethel, duc de Mazarin, prince de Monaco. Depuis la fin du XVIIIe siècle, et par les hasards des successions, le territoire de Rethel entretient un lien étroit avec la principauté de Monaco. En effet, plusieurs de ses princes habitèrent dans les Ardennes, et le Chartier, collection de documents anciens appelés chartes, des comtes de Rethel, est conservé depuis 1880 au sein des archives princières de Monaco. Pour raconter l'histoire du comté-duché de Rethel-Mazarin de l'an 1000 à la Révolution, cette exposition, conçue par les archives départementales des Ardennes, s'appuiera sur des documents, des sources iconographiques et des œuvres d'art exceptionnelles, pour la plupart jamais montrées au public et qui proviennent de grandes institutions patrimoniales, les archives princières de Monaco en premier lieu, le département des monnaies et médailles et celui des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, les archives nationales, les archives départementales de la Marne, le musée de l'Ardenne, ainsi que des collectionneurs privés. Par ailleurs, un catalogue d'expositions composé d'études inédites écrites par des universitaires et spécialistes et des notices décrivant l'ensemble des œuvres présentées dans l'exposition sera édité et mise en vente. Exposition gratuite du 7 mars au 8 juin 2025, salle d'exposition temporaire du musée de l'Ardenne. Des ateliers pour tous et pour les scolaires seront proposés. Plus ample information au 03 24 32 44 60 et sur www.museaar.fr. M-U-S-E-A-R. Visite guidée au 03 24 57 40 06 et sur archives au pluriel .cd08.fr. Le printemps des étudiants, une parenthèse enchantée. Le printemps des étudiants débutera mardi 25 mars avec la remise symbolique des clés de la ville. Une édition déjà annoncée comme exceptionnelle puisque l'événement se conclura avec la Gacolore qui fêtera ses 10 ans. Des surprises, voilà ce qui se dégage de ce nouveau millésime. Organisé à l'initiative de la ville avec les associations étudiantes, ce moment est l'occasion pour les élèves de se rencontrer et d'échanger, mais surtout de découvrir la ville, ses structures et les nombreuses activités qui leur sont proposées dans un esprit de franche camaraderie. Comme tous les ans, chaque journée sera ponctuée de temps forts avec, en fil rouge, le challenge étudiant et la Gacolore qui fêtera en grande pompe ses 10 ans le dimanche 6 avril. Pour célébrer cette édition spéciale, les organisateurs ont vu les choses en grand. Avant le départ de la course, à 16h, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations sur la place du Cal, body painting, fresques collectives, activités sur les goûts et les couleurs. Ouverte à tous, et dans un esprit où prime la fête plus que la compétition, cette course aux couleurs est l'occasion parfaite pour créer des souvenirs inoubliables. Tout au long du parcours, des zones de splash transformeront chaque participant en une œuvre d'art vivante. Que vous soyez étudiant ou simplement spectateur, cette édition anniversaire promet des moments inoubliables où énergie, partage et rire se conjugueront sous les auspices du renouveau printanier. Programme sur www.charleville-mézières.fr. Pour anticiper la fête, vous avez la possibilité de réserver à l'avance votre kit full color, lunettes, battle et color time, directement sur la page internet de la Gacolore au tarif de 15 euros, 10 euros pour les 100 premiers et 12 euros pour les 100 suivants. Pour les retardataires, il sera possible d'acheter le jour J différents kits, full color au tarif de 18 euros, color time, lunettes et color time à 12 euros, ainsi que des sachets de poudre colorée au tarif de 5 euros l'unité. 6. Agenda. Mars. Jeudi 6 mars à 18h, conférence Charles Darwin. MCL Ma Bohème, renseignement au 03 24 33 31 85. Jeudi 6 mars à 19h, présentation, fin de stage, marionnette à Gaine chinoise, à l'ESNAM, par les étudiants de la 14e promotion de l'ESNAM. Inscription au 03 24 33 72 50 ou par mail à l'adresse contact@marionnette.com. Vendredi 7 à 13h30, ainsi que les samedis 8 et dimanche 9 mars à 9h, bourse foire aux livres à la salle Nevers par SOS Amitié. Du vendredi 7 au jeudi 13 mars, exposition Bleu à la galerie Le Bon par l'association CAC. Vendredi 7 à 19h30, projection, séance en cours, soirée spéciale droit des femmes à la médiathèque Voyelle par la pellicule ensorcelée. Information au 03 24 26 94 40 ou encore sur médiathèque@ardennes-métropole.fr. Vendredi 7 mars à 20h30, théâtre « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Renseignements sur www.75forestavenue.com. Vendredi 7 mars à 20h30, théâtre « La révolutionnaire oubliée » au Forum par la compagnie du Tirelaine. Renseignements au 03 24 32 44 40. Samedi 8 mars à 13h, événementiel « Un temps pour elle » à la salle Dubois-Crancé. Information par mail à l'adresse education.sportive@mairie-charleville-mézières.fr. Samedi 8 mars à 14h, concours Trophée MZ 2025 au parc des expositions par le studio MZ. Réservation sur le site www.billetweb.fr/trophée-mz-10th ou par mail à l'adresse contact@studiomz.fr. Mardi 11 mars à 14h15, cérémonie hommage aux victimes du terrorisme à la cour d'honneur de la préfecture. Vendredi 14 mars de 15h à 19h, marché des producteurs de pays à la place du Cal. Samedi 15 mars à 18h, concert, gala de l'Orchestre d'Harmonie de Charleville-Mézières. Plus d'informations au 03 24 32 44 50. Samedi 15 mars à 18h30, soirée Saint-Patrick, nuit celtique au parc des expositions par Bébé Ardoana, réservation sur le site www.eloasso.com. Samedi 15 mars à 20h30, soirée 80s, information sur le site www.75forestavenue.com. Dimanche 16 mars à 10h, marché boutique sous la halle au marché couvert. Dimanche 16 mars à 12h, repas dansant avec Dany Daniel à la salle arc-en-ciel par Leuteux Loisirs Club. Renseignements au 03 24 37 14 17. Mardi 18 mars à 17h30, conférence « Il était doué » au MCL Ma Bohème. Information au 03 24 33 31 85. Mercredi 19 mars à 10h30, cérémonie à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Square du 91e Régiment d'Infanterie, avenue Léon Bourgeois. Mercredi 19 mars à 16h, marionnette, cake et madeleine au Forum par la compagnie Bakélite. Renseignements au 03 24 32 44 40 ou par mail à l'adresse culture@mairie-charleville-mézières.fr. Mercredi 19 mars à 17h30, rencontre Café d'œil au Seven Café par l'association Jalmalve. Renseignements au 03 24 54 26 26. Vendredi 21 mars, de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Du vendredi 21 au dimanche 23 mars, salon charme et érotisme au parc des expositions. Renseignements sur le site www.salonprovoque.fr. Vendredi 21 mars à 15h, collecte de sang à la salle Nevers. Vendredi 22 mars à 11h, portes ouvertes à l'ESNAM. Samedi 22 mars à 20h, concert Wintergarten au Forum. Samedi 22 mars à 20h30, soirée 90-2000. Info sur le site www.75forestavenue.com. Mardi 25 mars à 19h30, projection Prima La Vita au cinéma Métropolis par Figli del Gonzaga, enfant de Gonzague, en partenariat avec le festival Les Enfants du Cinéma. Jeudi 27 mars à 19h15, Baryonnette, vous avez dit Vogue, au TCM, par Eve Bigontina de la compagnie Xanax Princesse Guerrière. Renseignements sur le site www.marionnette.com. Vendredi 28 mars à 20h30, concert ABBA Super Trooper. Renseignements sur le site www.75forestavenue.com. Vendredi 28 au dimanche 30 mars, salon Ma Maison, Mes Projets au Parc des Expositions. Samedi 29 mars à 19h, concert Funky Jazz Party au Forum par le Funky Jazz Gang. Renseignements au 06 22 24 09 37 ou par mail à l'adresse funkyjazz@sfr.fr. Dimanche 30 mars à 10h30, spectacle Petit Popcorn Rouge au MCL Ma Bohème par Jingolf Gâteau. Renseignements au 03 24 27 09 75 ou à l'adresse reza.calonne@gmail.com. Avril. Vendredi 4 et samedi 5 avril, braderie de printemps de Charleville-Mézières. Renseignements au 03 24 32 43 56. Du vendredi 4 au jeudi 17 avril, exposition Salon de printemps à l'espace Lebon par l'Union artistique des Ardennes. Renseignements au 06 67 20 24 12. Samedi 5 avril à 20h30, concert Big Funk Brass au Forum par Sapristi et l'APE CMD. Dimanche 6 avril à 16h, événement Gacolore à la place Ducale par les étudiants du GACO. L'agenda complet est disponible sur openagenda.com/fr/carolomag. Programmation du TCM, le théâtre de Charleville-Mézières. Norman, c'est comme normal, à une lettre près, le vendredi 7 mars à 18h30. Norman, 7 ans, est un petit garçon comme les autres et il aime porter des robes. Un jour, il reçoit l'autorisation de se rendre en robe à l'école, mais Norman subit soudain jugement et moquerie. Dans une mise en scène pop, ingénieuse et décalée, la pièce questionne le rapport à la norme, l'acceptation de la différence et les codes d'appartenance au genre. Un fait presque divers, traité avec humour et poésie, à travers la danse et les jeux de mots. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, zoom sur les stéréotypes de genre qui persistent dans la société. À partir de 7 ans, tarif 6 euros à 8 euros. Émile Bourgaud et Bonanza, le mercredi 12 mars à 20h, concert, soirée 100% Canada. Une soirée composée de deux concerts. Émile Bourgaud, jeune auteur-compositeur-interprète, est un moderne et un classique à la fois. Multi-instrumentaliste, il oscille entre chansons à texte et mélodies pop, toujours avec un souci du mot juste et un sens du spectacle aiguisé. En deuxième partie de soirée, le magnétique Bonanza vous transporte dans un concert funk, soul et pop. Il prend d'assaut la scène avec autant de flamboyance que de vulnérabilité, sa voix chaude et polyvalente oscillant avec aisance entre puissance et douceur. Tarif 10 euros à 21 euros. Kintsugi, le mardi 18 mars à 20h, complet. Nous ne sommes pas des animaux, le mercredi 19 mars à 15h et 17h30, théâtre et atelier par la compagnie Bourrasque au collège Scamaroni. La compagnie carolo-massérienne Bourrasque nous plonge dans les mystères des textes poétiques de Fernando Pessoa, Arthur Rimbaud et Jehan Rictus. À partir de 4 poèmes, Annabel Garcia tisse l'histoire universelle d'un jeune homme épris de liberté qui décide de tout quitter, de partir loin de ce qu'il connaît. Entre performances théâtralisées, discussions et ateliers de création à l'issue du spectacle, cette forme sensibilise à la puissance de l'imaginaire, de l'écriture poétique et des sensations. À partir de 14 ans, tarif entre 8 € et 12 € dans le cadre du Printemps des Poètes. Farben, jeudi 27 mars à 20h, théâtre et marionnettes, par la compagnie Espace Blanc. Clara Immerwahr, brillante chimiste allemande, épouse Fritz Haber, également chercheur en chimie. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Fritz poursuit son ascension sociale au mépris de toute éthique alors que Clara est reléguée à la cuisine. Elle a juré d'œuvrer pour le bien de l'humanité, lui chapeaute la première attaque au gaz de l'histoire. Croisant habilement les temporalités et les jeux d'échelle, cette pièce questionne les dérives de la science et la place des femmes dans la société. À partir de 12 ans, tarif entre 10 et 21 € dans le cadre de la Journée mondiale de la marionnette. Autour du spectacle, le jeudi 27 mars à 19h15, vous avez dit Vogue, par la compagnie Xanax Princesse Guerrière, au foyer du TCM Barionnette, en partenariat avec le pôle international de la marionnette Jacques Félix, gratuit sur réservation. Du mardi 19 mars au vendredi 28 mars, les sciences et les techniques au féminin dans le hall du TCM. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.charleville-mézières.fr. Et pour la billetterie du TCM, composez le 03 24 32 44 50. À la bibliothèque Porte-Neuve, le mercredi 5 mars à 9h30, lire avec son bébé, de la naissance à 3 ans. Samedi 8 mars à 10h15, tampons, empreintes, etc., de 18 mois à 3 ans. Mardi 11 mars à 9h, prendre soin de vous. Destiné aux parents. Vendredi 14 mars à 9h15, portage de bébé, de la naissance à 3 ans. Mardi 18 mars à 9h30, art-thérapie pour les parents. Jeudi 20 mars à 17h, chant prénatal, du 2e mois de grossesse jusqu'au 3e mois suivant la naissance. Samedi 22 mars à 10h30 et 11h45, éveil musical, de 3 mois à 3 ans. Samedi 29 mars à 10h15 et 11h15, baby yoga de 3 mois à 18 mois. Au point lecture pour tous de Manchester, lundi 17 mars à 9h30, tampons, empreintes, etc. de 18 mois à 3 ans. Mercredi 19 mars à 9h, compte en tissu de 12 mois à 3 ans. Vendredi 21 mars à 10h, baby gym de 15 mois à 3 ans. Mardi 25 mars à 10h, info allaitement de la naissance à 3 ans. Mardi 25 mars à 15h, massage bébé de la naissance à 12 mois. Vendredi 28 mars à 9h15, signe avec bébé de la naissance à 3 ans. Pour les infos et les réservations, composez le 03 24 32 44 96 ou envoyez un mail à l'adresse 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr. Attention, les places sont limitées. 7. Sport. Cyclisme, 50e édition du circuit des Ardennes du 9 au 13 avril. Cette année encore, l'épreuve promet du grand spectacle avec 5 étapes au programme. Le départ sera donné à Sedan avant que le peloton ne traverse le massif ardennais, longe les lacs de Béron et de Vieilleforge, découvre Chose, une première dans l'histoire de la course, pour une arrivée finale à Charleville-Mézières. L'édition 2025 accueillera 25 équipes venues des 5 continents, confirmant ainsi le prestige grandissant de cette course. De nombreux coureurs ayant brillé sur les routes des Ardennes se sont ensuite illustrés sur les plus grandes compétitions mondiales, du Tour de France au Giro en passant par la Vuelta. L'engouement est tel que les places sont chères pour y participer. Le circuit des Ardennes est désormais une étape incontournable pour les futurs champions. Une chose est sûre, le vainqueur de cette année devra être solide. Les étapes. Mercredi 9 avril, Sedan-Nouvion-sur-Meuse, 133 km. Jeudi 10 avril, Rethel, 171 km. Vendredi 11 avril, Boulzicourt-Saint-Marceau, 173 km. Samedi 12 avril, lac de Béron, lac des Vieilles Forges, 175 km. Dimanche 13 avril, Chose, Charleville-Mézières, 167 km. Patinage artistique, championnat de France novice. Un mois après avoir accueilli l'épreuve régionale sélective des championnats de France des clubs, la section patinage du Charleville-Mézières Sport de Glace organise les championnats de France novice les 15 et 16 mars à la patinoire Elena Isachenko. Rendez-vous le samedi 15 de 8h à 19h et le dimanche 16 de 8h à 17h pour encourager la centaine de patineurs qui évolueront sur la glace et plus particulièrement les Carolo Harmony Pearson, Oscar Kim Truon et Nino Palermo. Plus d'infos sur la page Facebook Coach Team Charleville. Spectacle. L'année des spectacles à la Guinguette Arena. Des matchs de basket au spectacle d'humour, il n'y a qu'un rebond. En effet, dans le cadre de leur activité de gestionnaire et en collaboration avec la Guinguette Club Lounge, les Flammes vont organiser deux spectacles d'humour en 2025, dont un qui affiche déjà complet, Guillaume vous détend, le samedi 15 mars. Ce sera ensuite au tour de la reine du stand-up, Nawel Madani, de se produire sur la toute nouvelle scène de la Guinguette Arena samedi 22 novembre. Un show de plus de 2h30 qui affiche complet partout en France. À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis, de ses défauts, fini le blabla, Nawel prend les raccourcis. La comédienne, réalisatrice et humoriste belge fait partie de toutes meilleures de la scène française. Une aubaine de pouvoir l'accueillir pour la première programmation de la Guinguette Arena. Allez-vous manquer le phénomène ? Billetterie disponible sur www.arena-charleville.com ou dans vos magasins Carrefour et Leclerc. Tarif unique de 45 euros, placement libre, offre CSE, groupe amical, 42 euros au lieu de 45. Plus d'infos par mail à l'adresse charlevillearena@gmail.com. Téléphone 03 24 56 18 23. Sur les traces du Centaure. Proposée par la SPTT Charleville-Mézières, la Natura Carolo 2025 se déroulera le dimanche 16 mars. Quatre parcours sont proposés. L'appel du Centaure, 12 km, le souffle du Centaure, 27 km, le marathon du Centaure, 42 km, et la balade du Centaure, randonnée de 12 km. Les départs sont donnés du gymnase Rouget de Lille. Inscription en ligne sur www.ledossard.com. Plus d'infos sur la page Facebook Natura Carolo ou par téléphone au 07 76 69 28 52. Agenda sportif. Football. Samedi 15 mars à 18h au stade du Petit Bois, Ocpam reçoit Sanois Saint-Gratien, N3. Dimanche 16 mars à 14h30 au complexe Robert Emler, Entente Sportive reçoit ASTRM, R3. Dimanche 23 mars à 15h, Municipaux Cheminots reçoit FC Portien, D1. Charleville-Mézières Franco-Turc reçoit ASTRM B, D1. Samedi 5 avril à 18h au stade du Petit Bois, Ocpam reçoit Calais, N3. Dimanche 6 avril, 15h, au complexe Robert Emler, Entente Sportive reçoit Villers-Semeuse B, R3. Rugby. Dimanche 16 mars à 15h, Varennes-Ardennes Rugby reçoit Saint-Louis, R2. Dimanche 30 mars, 15h, Varennes-Ardennes Rugby reçoit Saint-Avold, R2. Basketball masculin. Vendredi 7 mars à 20h, à la Guinguette Arena, Étoile reçoit Toulouse, N1. Samedi 22 mars à 20h30 à la salle Dubois-Crancé, Étoile reçoit Cormontreuil, match au sommet, pré-national. Mardi 25 mars à 20h à la Guinguette Arena, Étoile reçoit Angers, N1. Samedi 29 mars à 20h à la salle Dubois-Crancé, Étoile reçoit Recy, pré-national. Vendredi 4 avril à 20h à la Guinguette Arena, Étoile reçoit Centre Fédéral, N1. Basketball féminin. Mercredi 5 mars à 20h à la Guinguette Arena, FCBA reçoit Charnay, Wonder League. Dimanche 9 mars à 15h30 à la salle Bayard, FCBA reçoit Saint-Amand, U18 France. Samedi 15 mars, 20h à la salle Bayard, FCBA reçoit Bourges, U18 France. Dimanche 16 mars à 15h30 à la salle Bayard, demi-finale U18 France. Samedi 22 mars, 17h15 à la salle Bayard, FCBA reçoit Templeuve, N2. Dimanche 30 mars, à 15h à la salle Bayard, FCBA reçoit Calais, U18 France, et à 15h15 à la Guinguette Arena, FCBA reçoit Angers, Wonder League. Handball. Samedi 8 mars à 19h au gymnase Campus Sup-Ardennes, SMHB reçoit Avize, U18 Marne-Ardennes. Samedi 22 mars à 18h au gymnase Campus Sup-Ardennes, CMHB féminine reçoit Reims, D1 Marne-Ardennes. Samedi 5 avril à 19h au gymnase Campus Sup-Ardennes, CMHB reçoit Épernay, U18 Marne-Ardennes. Tennis de table, championnat par équipe à 16h, salle Bestel, journée 3, samedi 8 mars, journée 5, samedi 5 avril. 8. Histoire. Transformation. La rue de Mantoue, témoin de l'évolution de la ville. La rue de Mantoue, qui relie la place Ducal à la place Nevers, n'existait pas à l'époque de Charles de Gonzague. Elle faisait alors partie de la cour d'honneur du palais, dont les terrains avaient été laissés en friche en attendant sa construction. À la fin du XVIIe siècle, sur une partie de ces terrains, des habitants créent des jardins et y construisent des masures sans l'autorisation du prince. Une rue se dessine peu à peu. On l'appelle rue de Nevers près du palais, puis rue Neuve du palais. La Révolution débaptise la place de Nevers qui devient la place de Lille et la rue est alors rebaptisée rue Basse de Lille. Au XIXe siècle, elle devient officiellement rue du Palais. C'est ainsi qu'elle est connue jusqu'en 1951 où elle prend le nom de rue de la Résistance. Au moment de la réunion de Charleville et de Mézières, on s'aperçoit qu'il existe déjà à Mézières une place de la Résistance. On décide alors de débaptiser la rue et de lui donner le nom rue de Mantoue en l'honneur du jumelage avec la ville d'origine des Gonzaga. 6 noms différents pour cette rue en 4 siècles. La dénomination des rues est un élément important de l'histoire urbaine. Elle révèle les tribulations de l'histoire, le choix des élus, l'évolution de la ville. Chaque prince, chaque maire, chaque période politique veut inscrire ses héros ou son action dans les appellations. Changer le nom d'une rue n'est pas anodin. Cela bouscule les habitudes. Ce que l'on peut se permettre dans une ville nouvelle et industrielle, avec une population mobile comme à Charleville, est beaucoup plus difficile dans des villes médiévales avec une population plus stable. La mémoire collective joue alors un rôle conservateur et refuse par tradition le changement. La construction du palais était pensée comme point final de la place ducale. Les deux parties du corps principal auraient été reliées par un porche surmonté d'un corridor, permettant au prince d'aller et venir tout en admirant la perspective incroyable du petit bois à la porte de Flandre. Charles de Gonzague aurait ainsi pu voir le soleil se lever et se coucher sur sa ville. Faute d'argent, rien de tout cela ne voit le jour, mais à son départ pour Mantoue, fin 1627, tout est déjà commencé. Le chantier du palais abandonné un temps revient à l'ordre du jour en 1692. Les consuls cherchent des fonds pour le finir. Tout cela traîne. Pour honorer le duc de Mantoue, Ferdinando Carlo III, venu en visite du 3 au 7 mai 1704, on fait édifier sur les fondations du porche un arc de triomphe décoré de devises et des armes de son Altesse. Quand les Condé héritent de la principauté de Charleville, ils prennent une décision importante, celle de finir ce palais et de vendre les façades à 4 familles chargées de construire leur maison, en respectant le dessin du palais projeté avec pilastres doriques, soubassement décorés et toitures basses en ardoise. Les Condé gardent le portique, la couronne ducale, mais remplacent les armes des Gonzagues par les leurs. Ils donnent accès à la nouvelle rue qui commence à se construire avec des maisons en briques et avec des flamandes, comme sur la place ducale. Avec la Révolution, les traces de l'ancien régime doivent s'effacer. Le 27 octobre 1792, la municipalité décide la démolition de l'arc sur la place, dont les pilastres portent la couronne dite du palais. Avec l'industrialisation et la démographie galopante, des investisseurs comme Charles Gaspard de Thorine-Tisseron, Jean-Baptiste Vallée ou la famille Charlier-Malcolt voient l'intérêt de construire des immeubles plus modernes avec boutiques et plusieurs étages qu'ils vont louer facilement, même si les locataires ne restent pas longtemps et déménagent parfois à la cloche de bois, laissant des loyers impayés. La rue du Palais s'intègre complètement à la ville avec de nombreux commerces. On peut se nourrir et y trouver des ustensiles de première nécessité chez les quincailliers et les ferblantiers. Les tailleurs d'habits, modistes, couturières, marchands de tissus sont nombreux. Dans les étages logent les boutiquiers, des artisans, les commis des boutiques, les servantes, des familles modestes. Enfin, n'oublions pas les cafés et buralistes nécessaires à la convivialité. Presque tous les habitants sont de récents carolopolitains. Ils viennent de tous les bourgs du département, de la Picardie, de Paris, de Lorraine ou de Bretagne. Une carte postale du début du XXe siècle illustre le caractère populaire de la rue, même si ce n'est pas un jour ordinaire, car le photographe avec son attirail ne passe pas inaperçu. Tout le monde est sorti sur le pas de porte des boutiques. Beaucoup de femmes ont gardé leur tablier. Les écoliers suivent la carriole en prenant la pause. Le 13 mai 1940, les Allemands occupent Charleville. Le lendemain, un incendie dont on ne connaît pas l'origine ravage tout le quartier de la place Nevers et ses abords. 179 immeubles sont complètement détruits, 37 sont endommagés. Furieux, les Allemands ont arrêté des otages. Un témoin raconte l'effroi qui le saisit en découvrant la rue du Palais en feu. Dès 1943, le préfet décide de lancer un plan d'aménagement et de reconstruction de la ville, mais la période reste encore trop incertaine. Le plan n'est approuvé qu'en 1948. Le développement économique de la ville dans les années 50, couplé avec la possibilité de bénéficier des dommages de guerre, facilite la reconstruction. La rue du Palais est définie comme prioritaire pour que les sinistrés retrouvent leurs habitations et que soit supprimée l'insalubrité des habitations restantes. On écarte la possibilité d'arcade pour pouvoir élargir la rue tout comme la plantation d'arbres. Chaque propriétaire fait une demande de permis de construire. L'architecte Depa produit des plans, donnant une unité à ces constructions qui s'échelonnent jusqu'en 1963. C'est alors une rue neuve qui attire de nouveau les commerces modernes. Cet article est signé Claude Grimmer-Fontange de la Société d'histoire des Ardennes. 9. Expression politique. Je persiste et signe, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Fin janvier, lors d'un conseil communautaire d'Ardennes Métropole, un élu s'est permis de demander à notre exécutif de respecter le PPRI, ou Plan de prévention du risque inondation, sous-entendant de fait que nous prenions de fâcheuses libertés avec ce document. Une accusation grave compte tenu de l'importance de ce plan. Pour rappel, le PPRI qui nous concerne, celui du bassin aval de la Meuse, approuvé par le préfet, a pour objectif de limiter les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, de réduire la vulnérabilité des installations existantes en préservant les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. Il définit ainsi des zones inconstructibles et des zones constructibles sous réserve de prescription. En clair, il fixe donc le cadre légal suivant lequel il est possible ou pas de construire tel bâtiment sur telle parcelle en fonction de l'exposition au risque d'inondation de ladite parcelle. Nous venons de marquer le 30e anniversaire des crues de 1995, l'occasion de rappeler la détresse de la population, mais également les résultats du chantier titanesque lancé alors. Même si le risque zéro n'existera jamais, ces aménagements ont permis, en cas de crue, de baisser le niveau de notre fleuve de près d'un mètre. Comment, dès lors, oser sous-entendre que 30 ans après, nous aurions oublié? Comment laisser penser que nous pourrions prendre à la légère les risques pesant sur les biens, voire la vie des Carolo Masseriens, pour simplement mener à bien un projet de développement? Cette accusation, même implicite, m'est insupportable. Oui, l'actuelle friche de ville va bientôt accueillir différentes activités, dont une maroquinerie Hermès totalisant près de 1 000 emplois. Oui, ce site se trouve en bord de Meuse. Mais non, nous n'avons pas contourné la loi pour le reconquérir. Et sans être urbaniste, j'ai la ferme conviction que les futurs locaux, pensés et édifiés à cet effet, seront le cas échéant beaucoup plus utiles pour la gestion d'une éventuelle crue que les quelques 5 hectares d'ateliers de l'époque de ville, tous bâtis sur un sol soigneusement imperméabilisé. Ce projet porteur d'emploi verra bientôt le jour, en toute légalité et sans jamais faire courir le moindre risque à quiconque. N'en déplaise à certains, contre cru, vent et marée, je persiste et signe. Enfin, Netto s'implante à la ronde couture, par Sylvain Dallarosa, pour la liste « Une ville pour tous ». Après plusieurs années de retard, la première pierre de la future supérette à la ronde couture vient d'être inaugurée. C'est une nouvelle bien accueillie par les habitants alors qu'ils se sentent délaissés. Ainsi, le projet de complexe sportif est remis en cause. C'est la marque Netto qui occupera le nouveau magasin, alors que le groupe Lidl était implanté à la ronde couture depuis de nombreuses années, celui-ci a décidé en mars 2018 de fermer son magasin. Cela fait 7 ans que les habitants sont privés d'un commerce de proximité. Le motif invoqué par Lidl ne manquait pas d'un certain mépris pour les habitants du quartier. Le groupe allemand, dont le siège social est à Francfort, a décidé d'abandonner les quartiers populaires, estimant que la population de ceux-ci, vu leur situation sociale, ne permettait pas de profits juteux ni la montée en gamme des produits vendus. Le coût de la construction et l'aménagement du nouveau bâtiment est estimé à 3 millions environ. Dans cette affaire, l'attitude du groupe Lidl est inacceptable, d'autant que la municipalité a versé une somme rondelette sur la base d'une prime d'éviction. Ce ne sont pas moins de 280 000 euros qui ont été payés à l'époque au groupe Lidl. Le nouveau magasin construit à quelques mètres de l'ancien aura une surface de vente d'environ 1300 m². Après bien des péripéties, l'annonce de l'ouverture d'une supérette sur la place Beauchard est un soulagement pour les habitants qui souvent n'ont pas de moyens de transport. Espérons que le futur magasin Netto, filiale d'Intermarché, réponde aux besoins des habitants. L'ouverture est envisagée pour le début 2026. Rien ne va dans le projet de Scott Nord-Ardenne, Agissons, par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Les schémas de cohérence territoriale, SCOT, prévoit les grandes orientations de développement à moyen terme à l'échelle d'un territoire. Le nôtre porte sur tout le nord des Ardennes, couvrant 5 intercommunalités, dont Ardennes Métropole, de Givet à Carignan. Il est en cours d'élaboration et vient de faire l'objet d'un avis de la région Grand Est. Logiquement, la région a vérifié la conformité du projet au schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires de la région Grand Est, SRADDET, qui fixe les objectifs de la région pour 2050, tant pour l'aménagement de son territoire que pour la production d'énergie et l'artificialisation des espaces agricoles et naturels. Cet avis du 24 janvier est sévère, en fait. Selon la région, rien ne va dans le projet Scott Nord-Ardennes. D'abord, la région juge que les élus prévoient à terme une croissance de la population à 200 000 habitants, contre 175 000 pour les prévisions INSEE, mais ne met pas de stratégie économique en œuvre pour le justifier. L'orientation en matière de création de zones d'activité n'apparaît pas suffisamment exigeante en ce qu'elle autorise la création de zones commerciales sans restriction, ce qui étonne la région dans la mesure où le diagnostic ne fait pas réellement état d'un besoin particulier du territoire en zones commerciales périphériques nouvelles. C'est exactement ce qui avait motivé la Commission nationale d'aménagement commercial à refuser à l'unanimité la création d'un hypermarché Leclerc à Varc lors du précédent mandat. La création de zones commerciales en périphérie tue les centres-villes et favorise la multiplication des déplacements, pourtant nos élus s'entêtent. La région juge que les orientations du territoire à 2045 en matière d'agriculture, préserver la qualité agronomique des sols et préserver les prairies enherbées, semblent aller à l'encontre du but recherché et recommande aux élus de les réécrire ou de les supprimer. La région juge les orientations du territoire en matière de mobilité vagues. Ce volet ne constitue pas un point fort du SCOT, cingle-t-elle. Enfin, la région regrette l'impasse faite par le SCOT sur la question, pourtant centrale, de l'adaptation au changement climatique et recommande de compléter le document sur ce point, si cela est possible, avant la procédure d'élaboration. Pourtant, malgré cette volée de bois vert, le document de planification poursuit son parcours inchangé. Heureusement, une prochaine procédure d'enquête publique, dont on ne connaît pas encore la date précise au moment où ces mots sont écrits, vous permettra d'émettre un avis. Emparons-nous de cette procédure pour infléchir le projet de SCOT Nord-Ardennes.